Ed, je sais pas comment on dit. Trash Can Ed, c'est ça? Bonjour Alfred. Alfred, c'est plus pas... c'est facile, Alfred. Alfred? C'est français ça, Alfred. Trash Can Ed. T'as pas un prénom? Je sais pas, moi je vais t'appeler Jacques. Jacques, Pierre, Paul. Alfred, oui, Alfred. Après, not me. Not me, c'est quoi? Not me, si c'est pas toi, c'est qui si t'es pas toi? Est-ce que tu sais qui tu es? Not me, t'as un prénom? Not me, je vais t'appeler Jacques. Avec un N. Ouais, je sais pas comment t'appeler, not me. Ah, bonjour, ah, voilà, lui parle français. Zig aussi, c'est quoi ce prénom, Zig? Tu fais de la Zig? Tu fais de la Zig? Cette nuit, j'ai regardé un truc. Cette nuit, j'ai regardé un logiciel. C'est des conneries, je pense. Hein. Attends. I. Attends, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle ce logiciel là? I. Il revient. Thank you. on m'appelle Troll. Ouais, ça, c'est un peu fort là, je vais baisser un peu parce que là il me casse les oreilles lui. Yeah. Thank you.

feel everything feel. Damn, I didn't know where to go. Thank you. Oh, Thank you.

Oh, Thank you.